franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Les policiers de la région lilloise n'avaient jamais vu ça, jamais connu une telle violence. À tel point que certains d'entre eux ont d'abord cru que les tueurs fous du Brabant étaient de retour. Ces hommes, jamais identifiés, qui dans les années 80 avaient assassiné gratuitement plus d'une vingtaine de personnes de l'autre côté de la frontière toute proche. Mais il n'en était rien. Ces jeunes gens, lourdement armés, qui braquaient et tuaient impitoyablement tous ceux qui faisaient obstacle à leurs actions, étaient des djihadistes, des gangsters qui volaient au nom d'Allah et étaient prêts à mourir en martyr. Monsieur X, il n'y a pas si longtemps, a brièvement évoqué l'histoire de ces délinquants, pas comme les autres, l'histoire du gang de Roubaix, comme on l'a appelé, et il m'a promis d'y revenir plus longuement. C'est donc ce qu'il a fait cette semaine, en décortiquant l'histoire de ce gang, une saga meurtrière qui nous mènera jusqu'en Bosnie, au mi-temps des années 90, et où l'on rencontrera le fantôme de Ben Laden. Résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Chose que Kiko demande, le premier être que l'on regarde, les premiers moments que l'on garde. Mais quel est ce vent qui me glace le dos, qui me regarde? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Demande ensuite si l'on peut revenir, si le temps peut sourire, s'il faut s'unir, s'il fallait recommencer, s'il fallait oublier. Je pense bien que je serai pas le dernier à regarder d'abord, à suivre, à être encore quand il faut devenir, ou s'il faut encore moins faire pour un qui s'en va. Mais quel est donc ce vent qui passe, qui me regarde et qui me glace? Et notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée l'on se repose? Once I passed through a populous city, imprinting my brain for future use with its shows, architecture, customs, traditions. Yet now, of all that city, I remember only a woman I casually met there, who detained me for love of me. Day by day and night by night, we were together. All else has long been forgotten by me. I remember, I say, only that woman who passionately clung to me. Again we wander, we love, we separate again. Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? Sur quelle idée on se repose? Notre époque résonne telle une porte close. Et nous, comment fait-on? does not go. Sur quelle idée I see her close beside me, with silent lips, sad and tremulous. Dans la région du Nord, tout a commencé un soir de janvier 1996. À Wattrolo, plus précisément. Ah, ça, c'est près de la frontière belge. Hein. Oui. La nuit est déjà tombée. Trois hommes, armés et cagoulés, font irruption dans un supermarché, raflent ce qu'il y a dans la caisse, s'engouffrent dans une voiture et disparaissent. Pas de violence. Mais un butin dérisoire, quelques milliers de francs. Un braquage relativement ordinaire. Tout à fait. Mais la suite l'est beaucoup moins. Quelques jours plus tard, des policiers de la BAC de Roubaix, la brigade anticriminalité, sont en planque sur le parking d'un quartier populaire de Roubaix. Ils y ont en effet repéré un véhicule volé. Ils pensent que les voleurs vont venir le récupérer pour éventuellement commettre un méfait. C'est assez classique. Et les policiers savent que dans ce quartier sensible, il existe des bandes de voleurs de voitures. Des petits délinquants qu'ils connaissent pour les avoir déjà arrêtés. Soudain, les policiers de la BAC voient deux hommes s'approcher du véhicule volé. Aussitôt, ils descendent de leur propre voiture banalisée et crient « police ». Ils sont en uniforme ? Non. Toutefois, ils ont passé un brassard police. Ouais, ils sont donc relativement bien identifiables. En effet. Mais ils ont à peine fait quelques pas en direction des deux hommes que l'un d'eux, Kalachnikov en main, leur tire dessus. Les policiers n'ont même pas le temps de sortir leurs armes pour riposter. Résultat ? Un des policiers s'écroule, grièvement blessé. Heureusement pour l'autre, le fusil mitrailleur du gangster s'enraye. En tout cas, les bandits réussissent à s'enfuir. Mais les policiers, sidérés, l'ont échappé belle, car ils sont certains qu'on voulait les tuer. Et surtout, ce qui les a frappés, c'est le sang-froid des gangsters. Des hommes aguerris. C'est pourquoi on va rapidement penser aux tueurs fous du Brabant, des assassins qui agissaient eux aussi avec méthode, sans jamais s'affoler. Et tous les témoins belges diront alors qu'ils ont eu l'impression d'avoir eu affaire à des hommes entraînés, des militaires. Équipés d'armes de guerre, c'est exact. Or, à Roubaix et dans sa région, ce n'est qu'un début. Car les braquages vont se multiplier. Toujours dans des supermarchés ? Oui, ou des hyper. Et parfois, les braqueurs, après avoir attaqué un commerce, recommencent seulement une heure plus tard. Par contre, ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque fois, les sommes volées sont relativement dérisoires. Pourquoi ? Ces gangsters, s'ils font preuve de maîtrise dans l'action, donnent l'impression de choisir leur cible au petit bonheur, sans s'être assuré au préalable qu'ils pourront dérober un butin important. Bref, ce ne sont pas véritablement des professionnels du braquage. Oui, mais ce sont des hommes très dangereux et qui n'hésitent jamais à tirer si on leur résiste. C'est le cas, par exemple, dans un magasin de Croix. Le boucher essaie de s'interposer. Les gangsters dégainent aussitôt. Mais coup de chance, le boucher en réchappe. À l'extérieur, une patrouille de police prend en chasse le véhicule où ont pris place quatre hommes. La course-poursuite se termine quand la voiture des agresseurs emboutit une auto à l'arrêt. Ils sont arrêtés ? Pas du tout. Sans affolement, ils quittent leur voiture et commencent immédiatement à ouvrir le feu sur les policiers avec leurs fusils d'assaut. Puis l'un d'eux, armé d'une Kalachnikov, arrête une voiture. Il fait descendre le conducteur et l'abat froidement de plusieurs balles en pleine tête. Les autres rejoignent leurs complices, montent dans l'auto du malheureux automobiliste et profitant de la panique, ils disparaissent. Réaction de la police, alors. Je vous l'ai dit, elle pense avoir affaire à de nouveaux tueurs du Brabant, à la différence près que ces derniers attachaient peu d'importance au butin récolté au cours de chaque opération. Oui, ils tuaient pour tuer. C'est ça. Tandis que ceux-là semblent avoir vraiment besoin d'argent, même s'ils se conduisent comme des amateurs. La police n'a aucune piste ? De façon assez traditionnelle, elle commence à effectuer des enquêtes chez les trafiquants de voitures. Car les bandits ont besoin de nombreuses voitures. Et vous le verrez, ça finira par déboucher. Mais en attendant, voyons la suite. Un matin du mois de mars, un commando de 8 hommes, tous puissamment armés, attaque un fourgon blindé de la Brinks. Pour la première fois en France, les gangsters font usage d'un lance-roquettes. Ouais, une initiative qui sera reprise plus tard par d'autres braqueurs. Mais des professionnels, ceux-là. Pas comme les gangsters de Roubaix. Parce que ceux-ci, même s'ils avaient réussi à fracturer le blindage du véhicule, auraient fait chou blanc. Le fourgon commençait sa tournée, donc il était vide. Encore une fois, les braqueurs ne se sont pas renseignés. C'est évident. De vrais truands n'auraient pas commis cette erreur. Ouais. Est-ce que ça permet à la police de penser que, décidément, ces braqueurs-là ne sont pas tout à fait des gangsters comme les autres ? C'est probable. D'autant que leur action suivante échappe à toute raison apparente. De quoi s'agit-il ? Ils vont s'attaquer aux policiers eux-mêmes. Une observation, d'abord. Fin mars 1996, Lille doit accueillir une réunion du G7. C'est-à-dire des dirigeants des 7 pays les plus riches du monde. Hein. Autant vous dire que la ville fourmille de forces de l'ordre mobilisées pour assurer la sécurité de ces personnages éminents. Et c'est sans doute grâce à cela qu'un véritable carnage a été évité. Je vous raconte. Les policiers sont intrigués par la présence d'une petite Peugeot garée près du commissariat central de Lille. Et ils entreprennent de l'ouvrir. Et là, ils découvrent une machine infernale, 3 bonbonnes de gaz reliées à un détonateur. Les artificiers venus pour la réunion du G7 sont aussitôt appelés. Et l'engin est désamorcé. De justesse, oui. Mais les spécialistes ont estimé que si la bombe avait explosé, elle aurait tout détruit dans un rayon de 200 mètres. Est-ce que la police fait un rapprochement là, entre les braquages et cette action terroriste? Je ne sais pas. Mais c'était certainement tentant. La multiplication de temps de violence ne devait certainement rien au hasard. Cependant, de là à penser qu'il y avait un cerveau derrière, c'était encore difficile. Pourtant, les événements vont se précipiter. Grâce à cette enquête chez les trafiquants de voitures, les policiers ont obtenu un nom, celui d'un certain Omar. Cet individu habite dans une petite maison ouvrière de Roubaix. Aussitôt, les lieux ont été sonorisés. Ouais, on a posé des micros. Hein. Oui, oui, et bien sûr, le téléphone a été mis sur écoute. Et c'est ainsi que la police a découvert que la maison abritait plusieurs hommes. Des hommes qui semblaient inquiets. La peur d'être identifié, arrêté. Exactement. Et la nuit même qui suit la découverte de la bombe du commissariat central, la police décide de passer à l'action. L'assaut. Au petit matin, comme l'exige la loi. Et comme les responsables de la police s'attendent à une forte résistance, ils font d'emblée appel au RAID, leur service d'élite. Ouais, ça, le RAID, c'est l'équivalent du GIGN pour la police. Oui, et dès 6h du matin, après avoir fait sauter la porte de la maison avec des explosifs, les hommes du RAID se précipitent à l'intérieur. Mais ils doivent aussitôt reculer, parce qu'ils essuient une rafale de Kalachnikov. Ils sont blessés ? Un policier, oui. On va donc assister à un véritable siège et une intense fusillade. Manifestement, les assiégés disposent de nombreuses armes. Ils possèdent même des grenades offensives qu'ils lancent sur les policiers. Mais ce qui surprend le plus ces derniers, c'est que les défenseurs de la maison se battent en hurlant « Allah Akbar ». Ouais, Dieu est le plus grand. C'est ça. Ce sont donc des islamistes et pas de simples gangsters. Et ils hurlent qu'ils ne se rendront jamais. La bataille là, dure longtemps ? Plusieurs heures. Mais finalement, une grenade lancée par un policier met le feu au parquet de l'étage. La maison s'embrase. Toutefois, contrairement à ce que pensaient les policiers, les assiégés ne sortent pas. Et ils vont tous mourir brûlés. Ils ont choisi de mourir. C'est évident. Et là encore, ça ne ressemble pas au comportement habituel des gangsters. Dans les décombres, on va retrouver 4 corps carbonisés et d'incroyables quantités d'armes de toutes origines. Et aussi des piles d'ouvrages islamistes. Ça, c'est une confirmation. Oui. Ouais. Ah, oui. Et ces 4 hommes morts là, dans l'incendie, sont-ils identifiés ? Ils vont l'être même si leurs dépouilles sont dans un état épouvantable. Il s'agit donc de 4 Français d'origine arabe. D'après leurs proches, tous les 4 ont brusquement changé et sont devenus de fervents musulmans, pratiquant un islam radical et coupant tout contact avec leur entourage. Et 16 ans plus tôt, hein, ça rappelle un peu le parcours du tueur de Toulouse, la Mera. Oui, et on va s'apercevoir, comme dans le dossier Mera, que ces hommes avaient des attaches avec des individus liés à Al-Qaïda. Thank you. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Ali Laïdi est l'auteur d'un ouvrage sur les filières du terrorisme islamiste, le djihad en Europe. Il décrit par le menu l'aventure meurtrière du gang de Roubaix. Dans cet extrait, il parle de la préparation de l'assaut de la police. L'homme, identifié par le garagiste, est Rachid Swimdi. Il séjourne rue Henri Carrette, une chaussée typique du quartier de l'Alma à Roubaix, constituée de petits pavillons en briques rouges, des maisons ouvrières, dernière trace de la grandeur industrielle de la ville. L'appartement appartient à un certain Omar Zemiri. La nuit du 28 mars 1996 est longue pour les policiers. L'intervention doit avoir lieu le lendemain matin à l'aube. Le SRPJ, qui flaire un gros poisson, sollicite l'assistance du raid parfaitement rompu à ce type de tâche. Il est 6 heures. Les riverains du quartier de l'Alma dorment encore. Les équipes du raid s'affairent. Tout le quartier est bouclé. L'opération est minutieusement préparée et les rôles bien définis entre le raid et le SRPJ. Le premier surveillera les accès de la rue Henri Carrette et donnera le top départ de l'intervention. Le second se consacrera à la fouille de la maison et à l'interrogatoire des suspects. L'intervention ne devrait durer que quelques minutes. D'après l'auteur, les policiers n'imaginaient donc nullement que les occupants de la maison se battraient à outrance jusqu'à la mort. Quatre hommes ont donc péri dans l'incendie, mais les enquêteurs sont persuadés que le réseau comporte d'autres membres. Des individus qui, alertés par la fusillade de Roubaix, dont toute la presse s'est largement faite l'écho, vont certainement tenter de fuir. C'est le cas de deux hommes qui, à bord d'une voiture, passent en Belgique. Mais ils ont à peine passé la frontière qu'ils sont repérés par la gendarmerie. Leur voiture est bloquée sur l'autoroute. Aussitôt, le conducteur ouvre le feu. Les gendarmes ripostent. Il est tué. Qui est-ce ? Je vous réponds dans un instant, mais d'abord je poursuis. Le passager de l'auto, lui, malgré une blessure, s'enfuit. Il réussit à franchir le grillage de l'autoroute et trouve refuge dans une maison. Oui, mais la gendarmerie est à ses trousses, là. Naturellement. Dans la maison, le fugitif prend deux femmes en otage. Et étant donné la détermination dont ont fait preuve ses comparses, le pire est à craindre. Mais, heureusement, après plusieurs heures de négociations, l'homme se rend. Je précise que dans le coffre de la voiture empruntée par les terroristes, la gendarmerie va découvrir un impressionnant arsenal. Alors, je repose ma question. Qui était l'homme abattu ? C'était un Français de souche, un nommé Christophe Gaz, né dans une famille nombreuse et modeste. Il a abandonné ses études de médecine en cinquième année pour aller combattre en Bosnie. J'y reviendrai, car la clé de toute cette affaire, c'est en effet la Bosnie. En tout cas, il apparaît rapidement que ce Gaz était le chef du réseau. D'après tous ceux qui l'ont connu, c'était un personnage exalté, autant charismatique que fanatique, et qui s'était converti à l'islam. C'est lui qui a recruté les membres du gang de Roubaix, là ? Principalement, oui. Et tous étaient jeunes, moins de 30 ans, et fréquentaient la même mosquée, celle de la rue Archimède à Roubaix. Mais c'est l'agenda de Gaz qui va permettre à la police de se faire une idée plus précise du réseau et de ses connexions internationales. C'est un point que j'ai déjà évoqué quand nous avons parlé il y a 2 ans, je crois, du complot du millénium. Enfin, n'allons pas trop vite. Dans l'agenda donc, de Gaz, il y a aussi un nom qui retient particulièrement l'attention des policiers. Qui ? Un certain Lionel Dumont, un Français de souche, converti lui aussi. Mais celui-là a réussi à passer à travers les mailles du filet. Et il est sans doute déjà parti à l'étranger au moment où les policiers commencent leur enquête. Un mot sur ce personnage, alors. Oui, volontiers, car c'est quelqu'un de très intéressant, à plus d'un titre. Alors, voilà son pédigré, tel que les enquêteurs ont pu le reconstituer. Comme son ami Kaz, cet enfant du Nord est né dans un milieu plutôt modeste. Enthousiaste et même aventureux, c'est un fonceur. C'est pourquoi il s'engage dans l'armée. Il est d'abord envoyé à Djibouti, puis en Somalie. Il fait partie du contingent français de l'ONU. C'est là que, confronté à la misère et à la violence, il se lie d'amitié avec plusieurs chefs religieux. D'où sa conversion à l'islam ? Oui, c'est certain. Et c'est presque naturellement qu'il va fréquenter la mosquée de Roubaix à son retour en France. Mmh. Et là, il va y rencontrer Christophe Kaas. En effet. Mmh. Et c'est ensemble qu'ils conçoivent le projet d'aller combattre en Bosnie aux côtés des musulmans qui doivent résister à l'armée serbe. Pour ces deux exaltés, ce conflit des Balkans n'est pas loin d'être une guerre sainte. Le djihad. D'une certaine façon, oui. Ils vont d'ailleurs être incorporés dans une unité qu'on appelle la Brigade des Moudjahidines. Je vous l'ai promis, je reviendrai sur ce point, car les deux hommes vont y connaître une violence extrême, une vraie sauvagerie. Dumont, lui, a eu une expérience militaire, mais Kaas, alors. Eh bien, ce presque médecin va soigner les blessés. Mais quand il le faudra, il se battra aussi. Et d'après certains témoins, il ne sera pas moins féroce et courageux que ses camarades. Toutefois, en 1995, les deux hommes reviennent en France. 1995, c'est l'année de la signature des accords de Dayton, hein, donc la fin de la guerre dans les républiques de l'ex-Yougoslavie. C'est juste. Mais je crois que les deux Moudjahidines ont précédé la signature de ces accords de paix. Et au moins chez Dumont, c'était l'expression d'une certaine lassitude. Lassitude de la guerre. Et c'est ce qu'il a confié plus tard, sans doute aussi un ressentiment contre l'attitude par trop sectaire et même quelquefois sanguinaire des chefs de la brigade des Moudjahidines. Mmh. Pourtant, ça ne va pas l'empêcher de se lancer lui-même dans une aventure sanglante. Hein. Mais dont il ne savait peut-être pas encore qu'elle serait aussi radicale et violente. Et puis, je suis sincèrement persuadé qu'il s'est précipité là-dedans par fidélité à Kaas, son compagnon d'armes. Mmh. D'accord, mais que cherchaient-ils réellement, ces hommes-là ? De l'argent, incontestablement. Pas pour eux, mais pour la cause. La cause islamiste. Oui, pour Kaas et Dumont, c'était très clair. Même si ce n'était pas très évident pour les autres membres du gang dont certains suivaient parce que Kaas était un incontestable meneur d'hommes et qui n'avait peut-être rien à faire d'autre dans la vie. Ah oui. Mais attendez, pour accepter de mourir dans la maison en feu de Roubaix, il fallait pourtant qu'ils aient été sérieusement endoctrinés. Hein. C'est en effet assez troublant. Et cet argent pour la cause, là, où l'envoyait-il ? Quand ils en gagnaient, parce que je vous l'ai dit, les braquages n'ont guère été couronnés de succès. En tout cas, d'après les documents retrouvés par la police, il semble qu'ils aient eu l'intention de financer le trop célèbre Abu Hamza. L'imam au crochet. Oui, l'imam de la mosquée de Finsbury à Londres. Un personnage lui aussi très charismatique, qui après avoir combattu en Afghanistan où il a perdu sa main, a prêché pendant des années un islam violent et radical, avant d'être beaucoup plus tard mis à l'ombre par les autorités. Ouais. Et récemment, il vient même d'être extradé aux États-Unis. Hein ? Oui, les Américains le réclamaient depuis longtemps parce qu'ils le soupçonnaient d'être étroitement lié à Al-Qaïda. Mais les policiers français auraient certainement eu des questions à lui poser car il était aussi en rapport avec un certain Rachid Ramda, l'homme qui a financé les attentats de 1995 en France. Autre indice qui montre que l'argent était destiné à la mosquée de Finsbury, Abu Hamza aurait décrété une fatwa autorisant le gang de Roubaix à procéder à des braquages. Des braquages moraux, en somme. Même si ça ne me paraît pas très sérieux. Et puis, ça n'explique pas pourquoi, à la fin de leur aventure sanglante, ils s'en sont pris aux policiers du commissariat de Roubaix. Vous avez raison. Il y avait un grain de folie chez Kaas, et même de folie suicidaire. Mais comme il est mort, on ne saura jamais vraiment ce qu'il cherchait. Et l'autre alors, là, ce Dumont, celui qui a réussi à échapper à la police. Accompagné par un autre membre du gang, Mouloud Bouglan, il utilise au mieux les filières islamistes. Après une brève halte dans la région parisienne, Dumont et son comparse passent en Italie. Là aussi, ils ont des contacts ? Oui, il existe dans la péninsule un réseau de soutien aux militants du GIA algérien. Mais Dumont sait qu'il est recherché. Donc les deux fuyards ne s'attardent pas en Italie. Oui, parce qu'ils risquent de mettre en danger ceux qui les hébergent. Et prochaine destination alors ? La Bosnie, grâce à des faux papiers. Là, même si la paix est revenue, Dumont espère trouver de l'aide auprès des hommes avec lesquels il a combattu 2 ans plus tôt. Ouais, au sein de cette brigade islamiste. Naturellement. Il faut savoir que pas mal de ces combattants venus du Maghreb ou du Moyen-Orient ou même d'Asie étaient restés en Bosnie. Certains avaient même obtenu leur naturalisation. Quoi, en raison des services rendus pendant la guerre ? C'est ça. Dumont et son compagnon pensaient donc qu'ils trouvaient de l'aide. Oui, mais à condition de rester tranquille, certainement. Mais le pouvait-il ? Et surtout, le voulait-il ? Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Sous un titre provocateur, Balkan, comment l'Occident a laissé pulluler les réseaux Ben Laden, Rumiana Ugarczyńska a publié un article en 2002 dans l'hebdomadaire Marianne sur ses rescapés de la brigade des Moudjahidines. Extrait. Depuis la fin des hostilités, beaucoup sont partis rejoindre d'autres djihads. Quelques centaines comme Boudelhadz et ses amis sont restés. Profitant du statut de combattant pour la liberté, ils ont acquis un passeport bosniaque et épousé des musulmanes du cru. Ils coulaient une existence en apparence rangée. Leur couverture, des ONG islamiques généreusement financées par l'Arabie saoudite jusqu'au 11 septembre dernier, personne ne trouvait rien à y redire. Perdus au milieu de la communauté musulmane, 1 million de fidèles à l'islam modéré, les quelques activistes du GIA ou de la Jamaa al-Islamia, proches des réseaux de Ben Laden, n'étaient donc pas considérés comme dangereux. Mieux, toute évocation de leur lien avec l'international islamiste et le terrorisme était considérée comme de la propagande pro-serbe, juste bonne à attiser les relents nationalistes et la haine interethnique. Le parti de l'Action démocratique SDA d'Alia Izetbegović voulait placer l'islam au cœur de l'identité nationale. Il avait donc offert sa protection à ces islamistes en violation des accords de Dayton qui prévoyaient le départ de tous les combattants étrangers dès 1995. Même les organisations de défense des droits de l'homme ne bronchaient pas et elles montraient même les dents à la plus mince allusion dénonçant une dérive anti-musulmane. Dumont et son compagnon pouvaient bénéficier d'une certaine solidarité auprès de leurs anciens camarades, mais ils ne devaient pas en abuser. Bref, ils n'étaient pas forcément les bienvenus. Surtout à partir du moment où on a appris ce qu'ils avaient fait à Roubaix, parce que tous ces anciens combattants avaient tendance à faire profil bas. Quoi, pour pouvoir rester en Bosnie ? Naturellement. En outre, les deux fuyards avaient besoin d'argent pour subsister. Je vois où vous voulez en venir là. Ils ont à nouveau pratiqué des braquages. Ah ben, c'est ce qu'ils avaient appris à faire. Ouais, mais ce n'était plus pour la cause. Bien entendu. Rejoints par un Italien, ils ont donc recommencé à commettre des attaques à main armée et à faire usage de la même violence qu'à Roubaix. Et inévitablement, ça devait finir par mal tourner. Au cours du braquage d'une station-service, ils ont d'abord abattu un caissier, puis un policier. Ouais. Et c'était à nouveau la cavale. Et une nouvelle chasse à l'homme. Le premier, Bouguelan, est arrêté. Dumont, lui, a trouvé refuge avec l'Italien dans la montagne, chez un ancien compagnon de la brigade des Moudjahidines. Mais celui-ci, sans doute parce qu'il désapprouvait leurs actions criminelles, les aurait trahis. Oui, il les donne à la police. Oui, enfin, c'est la version officielle. Ah oui, vous avez des doutes, là. Hein. En effet, parce que je pense que Dumont, présenté comme un terroriste international et dont les photos étaient placardées dans tout le pays, devenait vraiment gênant. Et d'abord, pour les islamistes et leurs chefs religieux encore proches du pouvoir bosniaque après 1996. Oui, parce qu'ils donnaient une mauvaise image de la religion. Ah, c'est évident. Et je suis persuadé qu'on a tout fait pour le piéger et faire en sorte qu'il ne s'en sorte pas vivant. En témoigne la façon dont la police a donné l'assaut du bâtiment où les deux fugitifs se cachaient. Un assaut à grand spectacle devant les caméras de télévision. Des policiers ont grimpé jusqu'à l'étage où se trouvaient les deux hommes. Et sans faire usage de sommation, ils sont entrés dans l'appartement et ont commencé aussitôt à tirer. Les assiégés ont riposté ? Oui, sans doute l'Italien qui a fini par être abattu. Un policier a aussi été tué au cours de cet échange de coups de feu. Et Dumont, lui ? Il a réussi à gagner l'étage inférieur, mais d'autres policiers l'ont alors maîtrisé. Il a donc eu la vie sauve. Ah oui, un petit miracle, car je suis sûr que ça n'était pas prévu. Et il a été emprisonné. J'imagine que la France va essayer de le récupérer, là. Oui, mais c'est d'abord en Bosnie qu'il doit rendre des comptes. Il passe en jugement avec son compère, Bouguelan, en 1997. Les deux hommes sont condamnés à 20 ans de prison. Mais en 1999, Dumont apprend que les autorités de Bosnie ont donné une réponse favorable à la justice française qui le réclame. Et 3 jours avant qu'il ne soit remis à un juge français, Dumont s'évade de la prison de Sarajevo. Ici, une parenthèse. Il n'est pas exclu que le détenu ait reçu une aide. Quoi, pour s'évader? Et puis, qui, ses anciens amis, là, de la brigade des Moudjahidines? Non, je crois plutôt à une complicité au sein même de l'appareil judiciaire bosniaque. Mais pourquoi, alors? Dumont savait beaucoup de choses sur les réseaux islamistes existants en Bosnie, et certaines étaient vraiment embarrassantes pour les autorités de Sarajevo. Dumont, transféré en France, pouvait parler. Ah, il était donc préférable de l'aider à s'évader? Et faire en sorte qu'il disparaisse au plus tôt. Mais bon, ça n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Ouais. Et c'est le fait qu'il se soit évadé seulement 3 jours avant d'être remis à la justice française qui vous fait dire ça? Écoutez, vous savez bien que je ne crois guère aux coïncidences. Curieusement, Dumont, détenu à Zenica, a été transféré à la prison de Sarajevo après une rixe au couteau. Une rixe au couteau arrangée? Pourquoi pas? Il était peut-être plus facile d'organiser son évasion à Sarajevo. Et puis, il y a aussi cette lettre que Dumont avait écrite au juge d'instruction français chargé de l'affaire du gang de Roubaix. Il promettait des révélations sur les vraies motivations de ses amis. Il s'est donc volatilisé avant de parler. Mais ça n'a quand même pas empêché la justice de suivre son cours. Les 3 rescapés du gang ont été jugés à Douai en octobre 2001 et ont été lourdement condamnés. Et Dumont, jugé par contumace, a pour sa part écopé d'une peine de réclusion à perpétuité. Qu'est-il devenu Pendant près de 4 ans, il ne fait plus parler de lui. Mais il faut dire qu'il est allé très loin, au Japon plus précisément. Sous un faux nom? Bien sûr. Installé dans le port de Niigata, connu pour être une plaque tournante de nombreux trafics, il travaille alors pour un Pakistanais qui fait le commerce de voitures d'occasion. Il s'est apparemment reconverti, là, mais a-t-il coupé tous les liens avec l'islamisme militant? Non. D'abord, il faut observer qu'il existe dans ce port japonais une importante communauté musulmane. Donc il n'a pas choisi cette ville par hasard? Et il fréquente la mosquée locale. Ensuite, il voyage beaucoup. Malaisie, Singapour, Allemagne. Et il rencontre des hommes qui font partie de réseaux islamistes. C'est d'ailleurs ainsi qu'il va pouvoir être démasqué. Racontez dans quelles conditions alors? À Munich, la police surveille étroitement un certain Andrew Rove. Ce citoyen britannique, affublé du surnom de Youssef, le Jamaïcain, a lui aussi combattu en Bosnie. Il est également suspecté d'avoir participé à l'exécution des attentats de Casablanca et d'être lié à Al-Qaïda. Et finalement, la police allemande passe à l'action et l'arrête. Mais elle découvre en même temps que l'un de ses contacts n'est autre que Dumont. Encore présent à Munich, celui-ci est aussitôt appréhendé puisqu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et il est extradé en France? Assez rapidement. Condamné par contumace, il doit être à nouveau jugé. C'est la loi, oui. Son procès s'ouvre en décembre 2006. Y fait-il des révélations, là, comme il l'a promis quelques années plus tôt? Non, mais assez curieusement, il refuse d'être considéré comme un djihadiste. Il prétend même, contre toute évidence, avoir été manipulé par les islamistes. Ouais. Enfin, son parcours prouve le contraire. Et même son activité au cours de sa longue cavale japonaise indique qu'il était toujours en rapport avec des mouvements islamistes pour lesquels il blanchissait peut-être de l'argent. C'est en tout cas ce que montrent les importants mouvements sur ses comptes bancaires. À quelle peine a-t-il été condamné? À 25 ans de détention. Alors, voyons ensemble quelles leçons on peut tirer de cette affaire-là. Mais d'abord, à partir des documents trouvés dans la maison de Roubaix et des interrogatoires des individus arrêtés, les enquêteurs ont découvert l'étendue des réseaux islamistes. Il existait des connexions en Europe, au Moyen-Orient et au Canada, et bien sûr jusqu'en Afghanistan. Et il semble bien que la petite Bosnie, où avaient afflué pendant la guerre des Balkans des musulmans de nombreux pays, avait été une sorte de creuset. Le creuset, c'est-à-dire? Un vrai terrain de formation et d'entraînement pour tous ces candidats au djihad. Et grâce à la création là, de cette brigade des Moudjahidines? Oui, un peu comme l'avait été l'Afghanistan, référence suprême. Tous ceux qui avaient combattu là-bas contre l'armée rouge étaient auréolés de prestige. Sont par exemple d'anciens Moudjahidines, d'anciens Afghans, comme ils s'appelaient eux-mêmes, qui avaient été à l'origine de la création du GIA algérien. Le groupe islamique armé, hein. Eh bien, dans une certaine mesure, la Bosnie a aussi permis l'émergence de nouveaux rameaux terroristes qui ont rejoint presque naturellement la mouvance d'Al-Qaïda. Mais comme j'ai déjà été trop long, nous en parlerons la semaine prochaine. Il y a en particulier un aspect très troublant. Quelle est, en cette affaire, la part de responsabilité des dirigeants musulmans de la Bosnie? En acceptant que tous ces djihadistes combattent à leur côté, n'ont-ils pas fabriqué sorte de monstre. Bah, c'est la question qu'on peut se poser. Enfin, puisque vous me demandiez quelles leçons tirer de ces événements, les policiers, en liaison avec leurs collègues de ces pays, ont aussi compris l'importance d'une petite activité artisanale annexe. C'est quoi ça ? La fabrication de faux papiers, afin de permettre aux terroristes de passer les frontières sans difficulté. Les islamistes ont pu ainsi créer de véritables petits ateliers. Et c'est ce qu'on a découvert à l'occasion du démantèlement de ce complot du Millennium dont je vous ai déjà parlé. Et ça explique aussi pourquoi un individu comme Dumont a pu circuler aussi facilement pendant sa cavale. L'ancien journaliste de Libération, Jean Hatzfeld, a rencontré Lionel Dumont en Bosnie alors qu'il venait, si j'ose dire, de rechuter dans le banditisme. Amer, Dumont a donné cette explication au journaliste. Après la démobilisation de la brigade sur injonction des Américains, émir et imam nous avaient signifié qu'on était indésirable. On n'avait plus rien, sinon nos flingues à la ceinture et Interpol aux fesses. Ils nous ont mis clochards. En un an de cavale, ils n'ont même pas fait porter un paquet de dattes à ma femme. À samedi prochain, Monsieur X a donc promis de revenir sur la naissance de cette brigade des Moudjahidines. Sur franceinter.fr, vous pourrez nous écrire, peut-être même réécouter cette émission qui a été préparée par Rebecca de Nantes et réalisée par Michel Biou et mise en musique par Monsieur Job. Tout de suite, après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou.